bah maintenant, on laisse la place à Mélia Roger pour sa chronique de terrain. Donc, je descends le petit chemin que je découvre à la lampe frontale. Et puis, arrivé en bas, dans une sorte de petite, comme petite clairière, je vois deux yeux qui sont réfléchis. C'est tout, 22h18. Chronique de terrain. Une proposition radiophonique de Mélia Roger pour le festival Archipel. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici avec vous en direct. C'est la première fois que je parle en direct à la radio, donc il faudra pas trop juger ce que je vais dire. Donc je vais vous présenter tous les jours de la semaine donc une petite chronique de terrain. L'idée, en tout cas, c'est de présenter un entretien avec un ou une invitée autour d'une anecdote, une prise de son qui a changé leur perception d'un espace, d'un lieu ou simplement de l'écoute. Donc on parlera un peu de technique, mais surtout d'émotion, de vulnérabilité, de rapport subjectif à un lieu, à une voix, à un animal. Et donc pour ce premier épisode, comme on a pu un tout petit peu l'entendre, je vais vous partager l'histoire de Lekwan Nin. Donc faut que je vous dise que c'est grâce à lui un peu que j'ai eu cette idée de chronique. On s'est rencontrés il y a 3 ans, autour d'un stage audio-naturaliste avec Marc Namblard. C'est en fait dans la Creuse, au festival Le Bruit de la Musique, que Nin m'a raconté cette histoire. Donc Nin est percussionniste, musicien, improvisateur, interprète et parfois compositeur, et depuis quelques années, field recordiste. Donc dans cette prise de son, nous sommes aux États-Unis, dans le parc national Big Bend, au Texas, dans un ancien ranch que l'on peut visiter grâce à des petits chemins qui mènent à des sortes d'oasis dans ce désert. Donc Nin vient très tôt le matin pour enregistrer les oiseaux et il fait encore noir. Donc je descends le petit chemin que je découvre à la lampe frontale. Et puis, arrivé en bas, dans une sorte de petite, comme petite clairière, je vois deux yeux qui sont réfléchis du fait de ma lampe frontale. Immédiatement, je me suis dit, là, je ne sais pas si c'est l'écartement des yeux ou le mouvement de la tête, donc qui était totalement invisible, qui était absolument dans l'ombre. Je me suis dit, ah, ça c'est un ours, immédiatement. Et curieusement, j'aurais dû prendre mes jambes à mon cou, puisque je voyais quand même déjà, j'étais arrivé la veille, qu'il y a des panneaux un peu partout qui indiquent que si on rencontre un ours, il faut plutôt s'en aller très vite, et même faire du bruit, faire des grands gestes. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été tout de suite assez fasciné. Et surtout qu'en fait, cet ours, il était au sol et il bougeait assez peu. Et il bougeait la tête d'une manière, de manière circulaire. C'était donc un mouvement justement de tête d'animal que j'avais jamais rencontré auparavant. Et donc j'étais fasciné et en même temps aussi complètement obsédé par l'enregistrement des oiseaux. Donc je me suis dit, ok, il est juste devant moi, vraiment à très peu de distance, peut-être 3 mètres maximum. Hein. Mais je pose quand même le trépied, je suspends l'enregistreur et là je me recule. Et donc je fais ça. Et je continue à ne voir que ses yeux brillants grâce à la lampe frontale. Là, j'éteins et puis petit à petit, le jour pointe. Et donc, je commence à le voir et il est très tranquille et il est au sol. Et donc, je peux quand même le regarder à distance. Je me suis mis à 10 mètres derrière environ. Je peux quand même le regarder et je vois qu'il farfouille. Il farfouille, il y a des feuilles, on sent qu'il est très tranquille, c'est comme s'il sortait de sa nuit, quoi. Mais au bout d'un moment, quand même, il est très intrigué par le matériel que j'ai laissé, et il va voir d'abord la petite sacoche dans laquelle est enfermé l'enregistreur, et il va grignoter les petites sangles, et puis au bout d'un moment, il se lève parce qu'il est intrigué par les deux bonnettes qui sont à peu près 1,70 m du sol, puisque c'est à peu près la hauteur de ce trépied. Et là, il se lève, c'est là que je m'aperçois qu'il n'est pas du tout petit comme j'imaginais. Et je le vois intrigué et intéressé par les micros. Et là, il commence à toucher les micros. Et donc là, je commence à faire des grands gestes et à crier. Et finalement, ça, il a peur et il redescend et il s'en va. Là, donc, le jour était suffisamment élevé. Et j'ai voulu prendre une photo au moment où il était devant les micros, debout. Mais en fait, j'étais plus à essayer de le chasser, puisque je voulais évidemment pas qu'il agrippe les micros, voire qu'il les croque, etc. Donc ça, c'est le premier enregistrement. Et ensuite, il s'en va. J'attends un peu. Et puis, je vais récupérer mon matériel. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je bouge un peu, parce que un ours, c'est quand même dangereux. Enfin, à ce moment-là, je suis complètement inconscient. C'est-à-dire que c'est après coup que je me suis dit que c'est vraiment pas des choses à faire. Que quand on est avec un ours, il vaut mieux faire ce que les panneaux indiquent partout dans le parc, c'est-à-dire s'en aller, quoi. Et voilà. Et donc, je bouge ces micros. Je les mets un peu plus loin. Et vraiment, dans un endroit, il y avait là, tout d'un coup, beaucoup plus d'oiseaux, puisque là, bien sûr, maintenant, c'était le jour. OK. Et en fait, je m'en vais, je remonte. Et c'est là que je rencontre, d'ailleurs, une personne qui est arrivée aussi très tôt. Et la première chose qu'il me dit, c'est « Est-ce que vous avez vu l'ours ?» Je dis « Bah oui. » Et lui, il a eu encore plus peur, parce que lui, il s'était assis tranquillement. Je sais pas, c'était sur un banc ou un rocher. Et il a senti une présence derrière lui. Et l'ours était debout derrière lui. Et donc là, il a pris ses jambes à son cou. Donc on a parlé un peu de ça. Et donc je me suis dit « peut-être qu'il faut quand même que j'aille voir où en est mon premier enregistreur avec mon premier trépied. » Et quand je suis arrivé en bas, là, j'ai vu que l'ours était revenu et il avait, pour le coup, agrippé les micros. Puis je vois que la bonnette a été tirée. Les micros sont encore là, mais la bonnette est au sol. Donc, il a tiré la bonnette du micro et je vois que la bonnette a été mordue. Et donc, après, j'ai pu écouter l'enregistrement où on entend effectivement vraiment la gueule de l'ours mordre. La bonnette. Ça ne peut pas être autre chose que saturé, puisque la gueule de l'ours est au plus près des micros, et donc avec un petit bruit de craquement, etc. Donc tout ça m'a beaucoup amusé sur le moment, mais c'est vraiment en rentrant que je me suis dit que j'avais été vraiment inconscient, parce que ce bruit justement de morsure sur la bonnette, ça aurait pu être mon bras, mon visage, enfin ça aurait pu être vraiment beaucoup plus dramatique, d'autant qu'après coup, j'apprends bien après la mort d'un compositeur français qui s'appelait Julien Gauthier, qui a été tué par un grizzly au Canada. Dans le même temps, il a été, lui, pris dans son sommeil, il a été embarqué et puis tué. Et d'ailleurs, je pense bien sûr à lui, mais je pense aussi à la personne qui l'accompagnait. Je crois que son prénom, c'est Camille. Et puis, c'est après coup aussi que j'apprends par ma femme, d'ailleurs, qui avait acheté ce livre de Nastassia Martin qui s'appelle « Croire aux fauves » et que j'ai lu, bien sûr, après. Et là, qui m'a complètement terrifié, puisque finalement, j'associe maintenant aussi le bruit de cette morsure sur la bonnette que les micros ont enregistré. Je ne dis pas que j'ai enregistré, parce que je les avais laissés, la terrible morsure sur le visage de Nastassia Martin qu'il raconte dans ce livre absolument extraordinaire qui s'appelle « Croire aux fauves » et qui m'a aussi beaucoup touché, parce que après coup, j'ai bien compris que ma fascination de voir cet ours devant moi tout de suite, j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un. Et non pas juste une bête, mais vraiment quelqu'un. C'était vraiment une rencontre. C'est ça aussi qui m'a peut-être hypnotisé, qui m'a empêché de me sauver. C'est-à-dire, et surtout qui m'a empêché d'avoir peur. J'ai pas eu peur une milliseconde. C'était vraiment comme une rencontre primordiale, importante, enfin quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur après dans mon imaginaire. Et donc, je crois que si je devais à nouveau rencontrer un animal de ce type, plutôt que d'être comme ça hypnotisé, fasciné, je pense que je fuirais. Et donc, mon histoire n'est pas du tout une histoire qu'il faut reproduire, quoi. Je pense que c'était de ma part inconscient et complètement imprudent. Merci. Merci Léquan Lin pour avoir partagé cette histoire des rencontres animales où le micro embrasse la gueule de l'ours. Merci d'avoir partagé tous ces questionnements qui accompagnent ce son si particulier où le corps même du micro devient sonore. N'hésitez pas à aller explorer les liens qui seront mis ensuite sous l'épisode à la réécoute. Et quant à moi, je vous dis à demain.